Et puis un jour, elle avait eu un malaise dans le métro de Marseille. On l'avait conduite aux urgences de la Timone et on avait prévenu le dépôt de machine pour faire rentrer Marcel de Paris au plus tôt. Bien entendu, on ne lui avait remis la main dessus qu'à l'heure précise de sa prise de service. Et il était rentré tardivement chez lui, en tête du train qu'il devait normalement assurer. Marie était revenue à la maison 2 jours après, mais se sentait affaiblie, sans courage, vite fatiguée, chaque mouvement devenant douloureux. Les médecins avaient diagnostiqué une forme de jaunisse compliquée par un début d'infection sanguine. On lui avait prescrit un traitement de longue durée qui semblait efficace et un arrêt de travail renouvelable de quelques mois. Il ne payait pas le train. Pourtant, les jours de repos, et quand Marie allait bien, il sortait beaucoup, mais sans quitter Marseille. Il flânait sur le vieux port ou sur la plage du Pharo, arpentait de bout en bout la Canebière, la rue Saint-Féréol et la rue de Rome, ne rentrant chez eux par le métro que lorsqu'elle était trop lasse. Mais, une fois seul au boulot, il retrouvait aussitôt et sans pudeur ses étranges pulsions de dragueur invétéré, retrouvant dès que possible ses amitiés particulières, devenues secrètes polichinelles dans tout le dépôt. Marie dut retourner à l'hôpital et y séjourner quelques mois avant de s'éteindre, à 49 ans, au terme d'une longue et douloureuse maladie, comme nous la nommons pudiquement de nos jours, une leucémie foudroyante.